Vous écoutez ici. En attendant, c'est pas. Je mets la musique en sourdine tout bas. Trop bête, on ne sait pas s'il sonnait, si je n'entendais pas cette voix. En attendant, c'est pas ce matin-là. Un soir, the night ends up in tears. Wake up and we blame it all on being wasted. bien sûr à croire à tes histoires au va-et-vient chorégraphié. Tout oublié, c'est dans mes habitudes. À croire que ça me charme de nous voir nous déchirer. Mais encore mon amour, je reviens quand même. Dis-moi que tu m'aimes comme ils font au cinéma. Moi j'attends les beaux jours, mais jamais ils ne viennent dans tes bras. Écoutez ici. I love you from the bottom of my pencil case. I love you in the songs I write and sing. Love you because you put me in my right. That you bring cheap, never cheap. I'll sing your songs till you're asleep. When you've gone upstairs, I'll creep and write it all down, down, down. Oh, Shelley, oh, Deborah, oh, Julie, oh, Jane. So many songs about you, I forget your name, I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue, I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue, I forget your name. Upon the tears you weep, so cry, love it, cry, cry, cry, cry. Oh, Kathy, oh, Edison, oh, Philippa, oh, Sue. You made me so much money, I wrote this song for you. I wrote this song for you. Jennifer, Allison, Philippa, Sue. I wrote this song for you. Jennifer, Allison, Philippa Sue. made me so much money. I wrote this song for you. Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. I wrote this song for you. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. This song for you. En raison d'un appel à la grève déposé par la CGT de Radio France contre l'austérité budgétaire imposée au secteur culturel, les économies supplémentaires demandées à Radio France et le projet de holding de l'audiovisuel public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. J'ai les bras collés au comptoir, j'ai les pieds en bas dans la poussière, la tête là-haut dans le brouillard. Dans tous les couloirs, j'ai cru revoir les courbes de ton corps. Dans toutes les salles des aérogares, dans toutes les cales des navires du port. J'ai besoin de toi pour vivre, c'est une question d'équilibre. C'est parti, ça m'a coupé les ailes. Depuis, le plancher m'appelle. Le plancher m'appelle. Le plancher. Le plancher m'appelle.